Donc, c'est ça le livre que j'ai lu, c'est le livre de C.S. Lewis, Le problème de la souffrance. Puis moi, tout le long dans ma tête, c'était le problème avec la souffrance. Parce que le problème avec la souffrance, c'est justement que quand on regarde ce qui se passe dans le monde, on a peut-être un peu de misère à croire en Dieu. Oui, j'ai vu des photos, c'est ça, là, pour ceux qui écoutent, ben, ils vont le voir de toute façon. Oui, j'ai vu des photos parce qu'hier, j'ai écouté le film Shadowlands. Je ne sais pas s'il y en a qui l'ont déjà vu, certains. Je ne sais pas c'était quoi en français, là. J'aimerais ça le revoir d'ailleurs en français. Puis je suis allée voir des photos sur Internet de lui puis de sa femme. Sa femme, elle était de mon âge, puis elle avait l'air de 65 ans. Fait que dans ce temps-là, les gens avaient l'air plus vieux. Donc, c'est ça, là. Je vous en ai parlé un peu tantôt, là. J'avais des questionnements depuis plusieurs mois. Je veux savoir jusqu'à quel point Dieu était impliqué dans notre souffrance, jusqu'à quel point Dieu était responsable des fois de notre souffrance. Je me posais la question. Ouais, c'est ça. Je voulais dire aussi que au début, quand j'ai commencé à penser de parler de ça, je me suis dit, ah, ça suivra peut-être pas tellement ce qui se passe à l'Église, les prédications, les partages que Jacques apporte. Puis finalement, avec le partage de la semaine passée, ça suit beaucoup, vous allez voir. Donc, j'ai quelques affirmations, mais surtout, je vais vous partager mes questionnements. Ma pensée est en progression. Ceux qui sont là, qui m'écoutent pour la première fois, les autres sont habitués, mais je lis beaucoup. Hein. J'ai de la misère à me défaire de mes. Je suis trop insécure, je pense. Fait que soyez pas étonnés, je lis beaucoup. Oui, c'est ça. La souffrance, c'est un sujet de thèse. Fait que c'est comme si la souffrance, c'était ça. Mettons, ça, c'est tout le sujet de la souffrance, là. Moi, je suis là, tu sais. J'attaque là, la partie, là, au-dessus. Fait que j'effleure à peine, là. Je m'en suis rendu compte, là, tu sais. J'effleure à peine, mais quand même. L'auteur, C.S. Lewis, a déjà dit, puis je veux m'approprier ces phrases-là. Ce que je vais exprimer maintenant est une opinion purement personnelle, dénuée de toute autorité, que je soumets au jugement de chrétiens meilleurs et de gens plus savants que moi. Puis Walter Hilton, c'est un mystique catholique du 14e siècle, a déjà dit: J'ai l'impression d'être tellement loin de ressentir ce que j'exprime, que je ne peux m'empêcher d'implorer toute la miséricorde divine. Ce que je vais exprimer, je le ressens, mais vous savez, je suis là devant vous une fois par année, puis tout ça, puis pour moi, c'est un privilège, mais en même temps, des fois, je me demande ce que je fais là. Mais, fait que c'est ça. Je voulais m'approprier ces paroles-là. Donc, première diapositive, c'était C.S. Lewis, là, je voulais juste vous montrer ça. C.S. Lewis est né dans une famille protestante d'une mère anglophone, anglicane, oui, anglophone probablement. Il a perdu sa mère à 10 ans. Son père a envoyé son frère aîné dans une pension à un moment donné. Puis lui-même, il s'est retrouvé dans la même pension, puis le directeur était très cruel, fait qu'il a perdu la foi à ce moment-là. Il est revenu au christianisme en 1931, donc il avait 33 ans. OK. Donc, toutes les créatures, les animaux, les humains, connaissent la souffrance, toutes. Sauf que l'homme, en plus, on a la raison qui nous permet d'infliger une somme encore plus considérable de souffrance. C'est un pouvoir qu'on a, puis qu'on a exploité à fond, évidemment, avec les crimes, les guerres, les différents maux, les terreurs. J'ai pas besoin de les nommer, dans le fond, là. Dans ces années athées, selon Lewis, ou bien il n'existe aucun esprit derrière l'univers, donc l'univers serait un hasard bienheureux, comme dirait un de mes amis. Ou même, attendez, il s'agit d'un esprit où il n'y a rien, ou il s'agit d'un esprit indifférent au bien et au mal, et peut-être même d'un esprit mauvais. De croire, pour lui, là, toujours dans ce temps-là, de croire que l'univers est l'œuvre d'un esprit bienfaisant et tout-puissant est contraire à toute évidence. C'est un peu vrai, hein? Sauf qu'une question s'impose. Comment ça se fait que dans un monde aussi mauvais, des êtres humains ont pu attribuer l'existence de l'univers, là, à l'action d'un créateur sage et bon? Parce que ça fait des siècles et des siècles que c'est comme ça, malgré tout ce qui se passe. En plus, comment se fait-il que cette croyance ait survécu au fil des siècles? Parce que dans ce temps-là, il y a plusieurs années, là, dans les 50 dernières années, c'est allé vite, mais dans ce temps-là, les gens connaissaient beaucoup moins sur l'univers, puis pourtant, ils croyaient quand même en un créateur. Alors que maintenant, avec tout ce qu'on connaît puis à tout ce qu'on voit, on peut quasiment pas s'empêcher de penser qu'il y a un créateur, là, tu sais, avec tous les détails. Puis lui, il dit en plus, la foi existait même quand le chloroforme n'existait pas parce qu'il faisait les opérations à froid, là. Je trouvais ça cute. Fait que déjà là, il a écrit ce livre-là en 1940, là. Les anesthésies générales n'existaient pas. Donc, pourtant, la notion du sacré, la crainte révérentielle, existe depuis que le monde est monde. Donc, ou bien il s'agit d'une bizarrerie intellectuelle de la pensée humaine qui ne correspond à rien en particulier, ou bien il s'agit de l'expérience directe d'une réalité surnaturelle où on pourrait parler de révélation. Tu peux bailler, c'est correct. Question. Si Dieu est à la fois bon et omnipotent, comment expliquer la souffrance et la douleur que nous expérimentons chaque jour? Mais si Dieu est bon, selon notre si on pense comme les humains, là, on pourrait penser qu'il souhaiterait nous rendre, nous, ces créatures, là, parfaitement heureuses. Et si Dieu est tout-puissant, il pourrait accomplir ça, nous rendre parfaitement heureux. Pourtant, on ne l'est pas parfaitement heureux. On a des moments heureux, on a des moments de bonheur, mais on n'est pas, hein, c'est pas... Comment est-ce qu'on dit ça, là? Stable. On n'est pas heureux en général. Donc, toujours selon notre logique humaine, ou bien Dieu est dépourvu soit de bonté, soit de puissance, ou peut-être même des deux. Mais si on va au-delà de la définition qu'on donne généralement au mot « bon », tout-puissant et même heureux, on va comprendre un peu plus. Donc, c'est juste la définition de toute-puissance, l'omnipotence, c'est pouvoir de tout faire ou de faire toute chose. On lit d'ailleurs dans Marc 10, 27 que toutes choses sont possibles à Dieu. Si on prend le mot impossible, le mot impossible peut avoir un sens relatif puis un sens absolu. Le sens relatif, par exemple, si je veux voir ce qui se passe sur la rue Ontario, d'ici je ne peux pas, sauf si je me déplace. Ça, c'est relatif, si je peux me déplacer vers là-bas. Il peut avoir un sens absolu. Par exemple, si je veux rester dans le bâtiment puis voir ce qui se passe au coin de Joliette et Hochelaga, ou voir si mon petit chien est dans la fenêtre. Mais si je veux rester dans l'église, c'est impossible, à moins que l'église se déplace ou que les rues se déplacent. Ça serait peut-être possible à Dieu, mais c'est absurde. C'est ce que Lewis appelle une contradiction intrinsèque. C'est une contradiction en elle-même, donc une contradiction dans l'impossibilité. Donc, c'est la même chose avec Dieu. On peut lui attribuer des miracles, mais pas des absurdités. Souligné. C'est pas parce qu'on commence une phrase qui n'a pas vraiment de sens en disant « oui, mais Dieu peut » que soudainement la phrase va prendre tout son sens, va devenir soudainement pleine de sens. C'est par exemple, c'est comme dire « j'aimerais perdre du poids, mais pas faire les efforts ». D'après moi, oui, Dieu pourrait faire en sorte que je me réveille un matin et que j'ai perdu les 75 livres que j'aimerais perdre. Non, c'est absurde, là, tu sais, Dieu ne fait pas ces choses-là. Cette semaine, j'ai rencontré une patiente à l'hôpital, j'ai dit « vous êtes pas mal mince, hein, madame ». Elle dit « je pèse 78 livres, mon doux, j'ai dit « c'est ce que j'aimerais perdre ». Oh, elle a dit « souhaitez pas ça », j'imagine, elle a dû en perdre depuis qu'elle était malade. C'est ça. Donc, quand on regarde ce qui se passe dans le monde, ou même plus près de nous, on aurait plein d'arguments solides contre la bonté de Dieu. N'est-ce pas? Je sais que c'est Dieu, c'est des choses qu'on ne veut pas reconnaître, mais on pourrait avoir plein d'arguments contre la bonté et la puissance de Dieu. Donc, il disait « toute puissance », oui, c'est ça. Mais dans cette toute puissance, en créant des êtres libres, Dieu a aussi créé une nature indépendante, et tout ce qui est donné à une créature douée d'une volonté libre, là, c'est ça, on a notre volonté libre, est nécessairement une âme à double tranchant. Non en raison du donateur, non en raison de Dieu ou de ce qu'il nous donne, mais en raison de nous-mêmes. Peut-on concevoir, c'est ça, essayez d'imaginer un monde où Dieu corrigerait à tout bout de champ les conséquences des abus que nous faisons dans notre libre arbitre. Ça serait ça à tout bout de champ, là. Par exemple, une balle tirée d'un fusil ne pourrait pas devenir une balle de coton avant de nous atteindre, ou même des paroles insultantes ou des mensonges qui sortent de ma bouche soient entendus comme des bons mots dans les oreilles de ceux qui m'écoutent. Si c'était le cas, on ne pourrait plus parler du libre arbitre de l'homme. Que Dieu ait le pouvoir et qu'il en use parfois de modifier la nature et de produire ce qu'on appelle des miracles fait partie de la foi chrétienne. Mais M. Lewis dit que c'est rare. Parce que nous vivons dans un monde où il y a des lois fixes et des conséquences de cause à effet. Peut-être que le monde dans lequel on est n'est pas le meilleur des mondes possibles, mais il dit que c'est le seul possible à cause de notre libre arbitre. Une autre question. Si Dieu savait que la souffrance ferait partie de l'univers, s'il est vraiment bon, est-ce qu'il n'aurait pas dû laisser faire puis ne pas créer ce monde? Comment concevoir la bonté de Dieu et toute cette souffrance sans contradiction? On va parler de la bonté de Dieu. Donc, nous encore, dans notre logique humaine, pour être satisfait, on voudrait peut-être un Dieu qui se contenterait de dire, pourvu qu'il soit content, pourvu qu'ils aient du bon temps, peu importe ce qu'on fait. Pourtant, il n'y a aucun, je pense, aucun des parents ici qui dirait de son enfant, en autant qu'elle soit bien, puis que sa fille couche à droite puis à gauche, ou se drogue, puis tout ça, tu sais, ou que le fils soit le dernier des vauriens, il n'y a aucun parent qui voudrait ça. Tu sais. Mais puisque c'est évident là, que ce n'est pas comme ça que ça marche avec Dieu, et pour que pourtant nous sommes convaincus que Dieu nous aime et veut notre bien, il faut donc en conclure que notre conception de l'amour doit être revue. La relation que Dieu a avec nous est unique, évidemment, et ne peut être comparée avec aucune autre. Dieu est à la fois plus loin de nous et plus près qu'aucun être. Plus loin à cause de la différence absolue qu'il y a entre lui et nous. Oui, et lui qui est la vie et nous qui la recevons. Celui qui fait et ceux qui ont été faits, mais aussi la plus profonde, là, j'en ai manqué un, plus loin, ah oui, c'est ça. Dieu est à la fois plus loin à cause de la différence absolue, lui qui est la vie et nous qui la recevons, celui qui fait, hein, mais aussi la plus profonde, attendez, plus loin, hein, celui qui fait, hein, mais aussi la plus profonde, c'est ça, la plus loin, mais aussi la plus profonde, justement parce qu'il nous donne sa vie. C.S. Lewis dit « Il nous fait l'intolérable honneur de nous aimer au sens le plus profond, le plus inexorable. Nous sommes l'objet de l'amour de Dieu. » Comment ça se fait? Ben là, comment ça se fait que Dieu nous aime ainsi? Impossible de comprendre parfaitement comment les créatures que nous sommes peuvent bien avoir une si prodigieuse valeur aux yeux de Dieu. Non seulement ça dépasse nos mérites, mais aussi nos désirs. Donc, j'ai sorti quelques versets. « Éphraïm est pour moi un fils que je chéris et un enfant que j'affectionne. Chaque fois que j'en parle, je me souviens encore plus vivement de lui. Mon cœur est en émoi. J'aurai pour lui beaucoup de compassion, l'Éternel le déclare. » Comment pourrais-je t'abandonner, ô Éphraïm? Comment pourrais-je te livrer, ô Israël, te traiter comme Adma ou te rendre semblable à Tseboïm? Mon cœur est tout bouleversé, je suis tout ému de pitié. Puis un verset que j'aime beaucoup dans Matthieu. Ah, Jérusalem, Jérusalem, toi qui fais mourir les prophètes et qui tues à coups de pierre ceux qui t'envoient, que Dieu t'envoie, combien de fois ai-je voulu rassembler tes habitants auprès de moi comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, mais vous ne l'avez pas voulu. C'est-tu correct pour l'amour de Dieu, là? Y a-tu un autre qui se pose des questions? Dites pas oui parce que. OK. Concilier la souffrance. Ah, ça, j'avais mis ça sur mon Facebook un moment donné. Concilier la souffrance humaine avec l'existence de Dieu n'est pas un problème insoluble que si nous nous obstinons à attacher au mot amour un sens superficiel. Là, je viens de vous dire un petit peu que l'amour de Dieu n'est pas superficiel. Et à considérer l'ordre des choses comme si l'homme en était le centre. Fait que j'avais mis ça sur mon Facebook. Je voulais voir qu'est-ce que les gens diraient. Ça, pas trop. Ah, c'est toi, c'était toi la deuxième. C'est ça, il y a deux personnes. Il y avait Chantal aussi qui disait que c'est ça. Tu sais, j'ai beau le relire, je comprends rien. Fait que là, j'y avais suggéré de lire le livre « L'absolue vacuité de l'inconscience et son pouvoir de néantisation ». Hein? Fait que l'homme n'est pas le centre de l'univers. Dieu n'existe pas pour l'homme. L'homme n'existe même pas pour lui-même. Nous avons été faits, non pas essentiellement, là, c'est un peu étonnant, là, mais quand même, nous n'avons pas été faits essentiellement afin de pouvoir Dieu, de pouvoir aimer Dieu, quoique ça fasse partie là, de la chose, mais afin que Dieu, nous avons été faits afin que Dieu puisse nous aimer, afin de devenir des objets en lesquels l'amour de Dieu puisse trouver tout son plaisir. Là, il y en a qui, s'ils ne lisent pas la Bible et qui ne comprennent pas ça, ils vont dire, oh, c'est ça, Dieu joue avec nous comme avec des fourmis, là. Non. Pour quelle autre raison Dieu nous aurait-il créés si ce n'est de nous aimer chacun différemment, tout en nous aimant chacun infiniment? La bonté de Dieu, maintenant la méchanceté de l'homme. Le pire que nous ayons à nous reprocher à l'égard de Dieu, c'est de l'avoir laissé de côté. Il y a deux grosses doctrines concernant l'origine du mal. Ça serait soit Dieu lui-même, qui lui-même au-dessus du bien et du mal, les produirait indifféremment. Deuxième doctrine, Dieu produit le bien, tandis qu'une puissance indépendante de Dieu produit le mal. Dans ces deux doctrines, le christianisme continue d'affirmer que Dieu est bon, qu'il a fait toutes choses bonnes et que l'une de ces choses, la volonté de l'homme, implique la possibilité de faire le mal, que nous avons utilisé, et que nous avons utilisé cette possibilité, là, nous l'homme, et que nous sommes maintenant mauvais. Là, j'ai écrit juste pour vous mélanger un peu. Les pères de l'Église ont semblé penser que nous sommes punis pour le péché d'Adam, ou encore que nous avons péché en la personne d'Adam. Un autre sujet de thèse, mais ça, c'était juste pour vous mélanger un peu. Oubliez cette phrase-là. Donc, Dieu, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de vous demander, Dieu aurait pu supprimer par miracle les conséquences du premier péché. On recommence à... Mais là, ça aurait pas servi à grand-chose parce que Dieu aurait fallu qu'il efface le deuxième, puis le troisième, parce que c'est probablement ça, que c'est sûr que c'est ça qui serait arrivé. Puis en agissant ici, bien là, on aurait eu un monde où rien dans le monde ne dépendrait du choix de l'homme. Puis pourtant, Dieu voulait qu'on soit libre de choisir. Au début, d'après C.S. Lewis, l'homme, tel que Dieu l'a fait, était parfaitement bon et parfaitement heureux. Quand les temps furent accomplis, Dieu a fait descendre sur ce qui allait devenir l'homme une conscience d'un genre nouveau, capable de dire « je, moi », capable de considérer elle-même un objet, de connaître Dieu, de faire des jugements concernant le vrai, le beau, le bien. C.S. Lewis suggère même que l'homme mangeait et dormait, non pas parce qu'il le fallait, mais pour le plaisir, imaginez. Puis il a même suggéré, je ne l'ai pas écrit, mais ça m'a frappé, j'ai dit « ah, tiens, c'est intéressant ». Il a même suggéré que peut-être que l'homme avait l'air d'un singe avant, là. Tu sais, quand ceux qui disent « peut-être ». Puis qu'au moment venu, c'est ça, Dieu nous a donné une conscience d'un nouveau genre, une conscience humaine, là, tu sais. Peut-être, parenthèse. Mais maintenant, donc c'est ça, au début, l'homme était probablement un homme heureux, parfaitement bon, mais maintenant, l'homme est une créature mal adaptée à l'univers, non pas parce que Dieu l'a fait ainsi, mais parce que l'homme s'est rendu ainsi en abusant de sa volonté libre. Au début, Dieu venait en premier dans notre amour, dans l'amour de l'homme, dans sa pensée, puis sans effort pénible. Mais en se coupant de la source de son être, l'homme a fait en sorte que Dieu ne pouvait plus gouverner l'organisme humain par l'intermédiaire de notre esprit. C'est ça. Parce que notre esprit maintenant est en révolte contre notre Créateur. Dieu ne gouverne plus par les lois de l'esprit, mais par celles de la nature, parce que c'est tout ce qui reste maintenant, parce qu'on a refusé de lui laisser libre accès maintenant dans notre esprit. Notre corps est maintenant sous l'emprise des lois biochimiques ordinaires. En se détournant de Dieu, l'homme peut toujours se retourner vers Dieu, comme la plupart d'entre nous on a fait, mais ça se fait maintenant au prix d'un pénible effort, puisque notre inclination naturelle va vers notre moi. Bon. Encore là, Dieu aurait pu arrêter ce processus par miracle, mais en créant le monde, Dieu voulait exprimer sa bonté à travers le drame que le monde connaîtrait, malgré notre rébellion contre lui. Il y en a même qui pensent qu'on n'avait pas vraiment le choix de chuter, que c'était déjà planifié, que c'était dans le plan de Dieu. Ce n'est pas ce que je pense. Puis d'ailleurs, C.S. Lewis pense plutôt que le mal nécessaire à cette chute n'a rien à voir avec Dieu, mais seulement avec l'homme. Il dit même, c'est intéressant, l'homme est tellement libre que s'il existe d'autres créatures raisonnables dans l'univers, il ne faut pas prendre pour acquis qu'elles sont aussi déchues. Donc, la chute est restée une question de choix, que ce n'était pas quelque chose d'inévitable. Les 4/5, je ne sais pas, 98%, je ne sais pas, des souffrances humaines ont leur propre source chez l'humain. Dans Esdras, « Ô notre Dieu, c'est à cause de nos mauvaises actions et de nos grandes fautes que tous nos malheurs nous sont arrivés. Pourtant, tu ne nous as pas punis autant que nos péchés le méritaient et tu nous as permis de survivre à qui nous sommes. Oui, ça j'en parle plus loin, là, l'histoire de Dieu qui punit, là. C'est quand même pas Dieu qui a inventé les instruments de torture, les fouets, l'esclavage, les fusils, les bombes. Puis les instruments de torture au Moyen Âge, là, c'était quelque chose. Hein? Il n'y avait pas de télévision dans ce temps-là. Là. C'est l'avarice et la stupidité humaine qui nous valent la pauvreté et le travail oppressif. Mais comment ça se fait que l'homme a la permission de torturer ses semblables? Je viens de vous le dire. Parce qu'on est libre. Puis on ne sait pas comment gérer cette liberté. Avec Jésus, dans notre vie, on réapprend justement à voir de bons côtés à la souffrance. C'est ça. Est-ce qu'il y a de bons côtés à la souffrance? Dans le film, au début du film, c'est ça, j'ai fait exprès le film, je l'avais enregistré il y a plusieurs semaines, je me suis dit, moi, l'écouter après avoir lu le livre. Je l'ai écouté hier, finalement, parce qu'il n'y avait pas de tennis à la télévision. Puis, je l'ai réécouté de toute façon. Puis ça, je me souvenais qu'au début du film, C.S. Lewis, puis à la fin du film, son langage, son chose n'est plus le même, son discours n'est plus le même. Au début du film, c'est incroyable, là. Il dit, « Dieu ne veut pas nécessairement que nous soyons heureux. Il veut que nous aimions et que nous soyons aimés. Il veut que nous grandissions et la souffrance peut nous faire grandir. Nous sommes comme des pierres ayant besoin d'être façonnées. Et ces coups de marteau peuvent nous faire mal, mais ils nous rendront parfaits. Donc, il semble penser que Dieu orchestre certaines épreuves pour nous rendre parfaits. Mais sa pensée va changer au cours du film. Ma pensée a changé au cours des dernières années. Je ne pense plus. Là, je me lance, là. Je ne pense plus que Dieu orchestre des souffrances. Que de toute façon, là, c'était mon opinion, là, qu'elle soit orchestrée ou non par Dieu, la souffrance peut attirer l'attention, en tout cas, là, c'est peut-être un des bons côtés, peut attirer l'attention et éveiller un monde sourd, un monde qui ne veut pas voir. La souffrance peut être utile, comme Glenn nous en a parlé récemment, la douleur physique, c'est utile. Il faut qu'on la ressente des fois pour savoir qu'on est en train de se faire brûler ou on est en train de se couper, là, tu sais. Je dirais même pour la souffrance intérieure, ça peut nous faire sortir de notre torpeur. Thomas d'Aquin. La souffrance est une chose non pas bonne, en elle-même, mais qui peut avoir quelque chose de bon dans des circonstances particulières. C'est-à-dire que si le mal est présent, la souffrance qui nous le révèle étant une sorte de connaissance est relativement bonne, car en l'absence de cette souffrance, ou bien l'âme ignorerait le mal, ou bien elle ignorerait que le mal est contraire à sa nature. Ça va? Ben, ça explique un peu ce que je viens de dire. La souffrance, c'est ça, là, je ne suis pas en train de dire, hein, que parce qu'avec Dieu, je me dis, au moins on peut trouver de bons côtés à la souffrance. La souffrance peut aussi réduire notre volonté rebelle. Ou même quand on est en dépression, c'est une façon que notre corps et notre esprit a de nous dire, « Hey, j'en ai assez, j'en ai trop ». Ou encore, quand on a l'impression que tout ce qu'il nous faut, quand on a l'impression qu'on a tout ce qu'il nous faut, mais que Dieu n'a pas vraiment sa place dans ce tout, saint Augustin a déjà dit, Dieu veut nous donner quelque chose, mais il ne peut pas parce que nous avons les mains pleines. La volonté de Dieu est déterminée par sa sagesse et sa bonté qui visent toujours le bien intrinsèque. Par exemple, non, ça explique pas ce que je viens de dire, là, mais un exemple, Abraham et Isaac. Si Dieu est omniscient, Dieu sait tout d'avance, là, Dieu sait tout. Il devait savoir d'avance qu'Abraham obéirait, qu'il accepterait d'obéir, vous savez de quoi je parle, là. Il savait ce que Abraham... Fait que pourquoi donc est-ce qu'il a quand même demandé à Abraham d'accomplir ce geste-là? Pourquoi le soumettre à cette torture inutile, imaginez? Parce qu'Abraham, lui, l'ignorait avant de l'avoir expérimenté, que son obéissance irait jusqu'à exécuter un tel ordre. Qu'est-ce que je viens de parler, là? La méchanceté de l'homme? Parce que je veux parler un petit peu de l'enfer, juste parce qu'il y en a encore qui vont dire « Oui, mais si Dieu existe, ça se peut pas qu'il laisse aller des gens en enfer, là, tu sais? » Fait que, à tous ceux, justement, qui disent qu'un Dieu si bon ne peut permettre l'enfer, C.S. Lewis leur demande « Qu'est-ce que vous demandez à Dieu de faire? D'effacer les fautes passées, de donner une deuxième chance aux humains? Check, c'est fait. Au calvaire. Vous demandez à Dieu de leur pardonner? Check, c'est fait. Mais la plupart ne veulent même pas être pardonnés. Vous voulez que Dieu vous laisse tranquille? Check, Dieu va vous laisser tranquille si vous ne voulez rien savoir de lui. » On aspire tous à quelque chose sans trop savoir quoi. Hein? Peu importe la culture, on aspire tout, on a tout un besoin. Puis il y a plein de gens qui ne savent pas quoi. Je pense que la plupart d'entre nous, un coup qu'on a trouvé Jésus, on dit « Ah, c'est ça! » Tout ce que nous sommes, le péché à part, est destiné à exprimer le contentement parfait. Quand nous nous retrouverons devant Dieu, il aura l'aspect pour l'âme de chacun de nous de notre premier amour. C'est une comparaison là, qu'il fait, puisqu'il est notre premier amour. Notre place au ciel semblera faite pour nous et pour nous seuls, parce que nous avons été faits pour elle point par point. Ah, c'est pas bien. Conclusion. Là, j'ai mis un paquet d'affaires, là. Paradoxe. Quand il dit dans la Bible, le Sermon sur la montagne, là, « Bienheureux sommes-nous si on nous persécute. » Qui c'est qui veut être persécuté ici? On a fui la persécution, on fuit la douleur, puis on prie pour que Dieu nous en préserve. Si la souffrance est bonne, on devrait pourtant la rechercher et non la fuir si on se fie à ce passage-là. Ça, j'imagine, j'ai lu ça dans le livre. La souffrance n'est pas bonne en elle-même. Ce qui est bon dans toute expérience douloureuse, c'est pour celui qui souffre. Chercher réconfort chez Dieu et pour ceux de son entourage, la compassion engendrée par cette souffrance. Dans Romains 8, 28, vous savez le fameux passage qui dit « Nous savons en toutes choses que toutes choses coopèrent au bien de ceux qui aiment Dieu ». À ma demande, Jacques m'a fait parvenir quelque chose, parce que j'en ai parlé un petit peu avec lui dans les semaines qui viennent de... Puis Paul Tournier, lui, a trouvé une traduction, un peu nuancée, que j'aime bien, finalement, avec ceux qui l'aiment, Dieu collabore en tout pour leur bien. Fait que dans Romains 8, 28, celui qu'on dit tout le temps, là, tout coopère au bien de ceux, ça impliquerait quasiment, tu sais, que Dieu nous envoie des choses, là. Puis ça, je suis plus sûre de ça, là. C'est là-dessus que je me questionne. Puis même, j'ai tendance à penser de moins en moins. Par contre, dans nos souffrances, je pense que Dieu collabore avec nous définitivement, puis qu'on peut voir des bons côtés, puis qu'on peut s'en sortir avec lui. Je ne pense pas que Dieu soit un Dieu punitif. Saviez-vous que quand on a eu le verglas au Québec en 98-99, il y en a dans l'Ouest canadien, le « rest of Canada », les chrétiens anglophones pensaient, il y en a qui ont dit que c'était la punition de Dieu contre les séparatistes. Il y a longtemps, au début, là, de ma vie chrétienne, j'avais entendu dans une entrevue quelqu'un qui demandait, je pense que c'est un médecin ou un scientifique, est-ce que le sida est une punition de Dieu? Il y en a qui l'ont pensé, hein? Puis là, j'avais hâte de voir la réponse, puis j'ai tellement aimé ça, la personne a dit non. Le sida est la conséquence du péché de l'homme. Il y a des bonnes choses, vous savez, au commandement de Dieu. Dieu ne nous punit pas par le sida parce qu'on n'a pas suivi ses commandements. Dieu savait en nous disant, ça ne fait pas partie des 10, mais dans ses critères, mettons, dans sa façon de vouloir notre bonheur, il nous suggère des choses parce qu'il sait que si on ne le fait pas, c'est pour notre mal, là. C'est pas lui qui nous punit. Il connaît les conséquences des choses. L'expression, justement, une expression que j'utilisais moi-même, « Dieu l'a permis ». Jacques l'aime pas bien, fait que là, j'y en ai parlé. Tu sais. Puis je pense pas que c'est une expression mauvaise en soi. C'est juste qu'il faut faire attention quand on l'utilise, pour pas l'utiliser à toutes les sauces. Parce que, c'est ça, maintenant, quand je vais dire ça, je veux pas que... C'est parce que... ça fait tout, là, je pense, en même temps. Là. C'est parce que dire ça, Dieu l'a permis, c'est quasiment impliquer que Dieu, ça serait la norme qui empêche tout. Puis que, Dieu l'a permis, tu sais. Puis je suis plus sûre de ça, là, tu sais, que oui, on prie. On va prier pour que Dieu nous garde de certaines choses. Il nous garde sûrement de certaines choses qu'on ne sait même pas. Mais les miracles sont rares, tu sais, mais ça arrive. Fait que là, c'est ça, je partage avec vous autres, là, mes questionnements. Donc, c'est ça, Dieu l'a permis. Ce que je disais maintenant, c'était plus, en tout cas, Dieu n'est pas pris au dépourvu parce qu'il t'arrive. Ça, je suis sûre que, je suis pas mal sûre que je suis correcte, là. Je suis safe avec ça. Donc, je ne pense plus que Dieu orchestre certaines souffrances, mais je suis pas mal certaine que Dieu peut tirer du bien de notre souffrance. Changer quelque chose de mauvais en bien. Mais le fait que Dieu puisse tirer le bien du mal n'excuse pas ceux qui commettent le mal et ne doit en aucun cas être une excuse pour continuer à faire de mauvais choix. Par exemple, ce que Judas a fait, Judas a quand même participé à quelque chose de grandiose, mais ce qu'il a fait demeure mal. Notre rôle demeure de laisser le monde meilleur que nous l'avons trouvé. Le bonheur et la sécurité tels que nous les désirons ne sont pas accessibles, juste pour vous encourager un peu, à cause de la nature même des choses de ce monde. Par contre, on peut jouir de la joie, du plaisir et de l'amusement à profusion. Nous ne serons jamais en sûreté à cause du monde dans lequel nous vivons et nous nageons pas constamment dans le bonheur, encore une fois à cause du monde dans lequel nous vivons et parce que nous sommes. Par contre, nous pouvons profiter pleinement de tous ces petits moments, un paysage, une fête, un souper entre amis avec une bonne bouteille de vin, etc. Louis a écrit ce livre, il a écrit ce livre plus pour répondre au côté intellectuel de la souffrance et non pour enseigner des points semblables, des points probablement plus importants, tels que l'empathie et la patience, mais selon lui, quand la souffrance doit être endurée, un peu de courage aide davantage que beaucoup de connaissances, un peu de sympathie humaine davantage que beaucoup de courage, et la plus infime touche de l'amour de Dieu bien plus que tout le reste. Fait que c'est ça. Je viens de vous partager un de mes questionnements des derniers mois. Thomas d'Aquin, encore là, c'est Jacques qui m'avait dit ça une fois. Parce que j'étais pas mal, dans les dernières années, moi, en tout cas, j'ai revisé plusieurs choses, plusieurs vues que j'avais. Puis Thomas d'Aquin, qui a déjà écrit un livre sur ce qu'était Dieu, sur ses attributs, des centaines de pages, un livre qui s'appelle « La somme théologique », exprimait à la fin de sa vie l'envie de tout brûler parce que cette œuvre lui apparaissait comme un fétu de paille à côté de ce qu'il avait contemplé. Puis en dernier ressort, tout ce que l'homme sait de Dieu, c'est qu'il ne le connaît pas, car il sait que ce Dieu surpasse tout ce que nous pouvons comprendre de lui. Fait que malgré mes questionnements, malgré mes incertitudes, je sais que Dieu surpasse tout ce que je peux comprendre. Puis j'ajoute, je ne sais pas ce que j'ai pris ça, j'imagine dans le livre, que de toute façon, si notre opinion de Dieu n'est pas vraie, si c'est un peu erroné, bien c'est sûr qu'on ne comprend pas tout de Dieu, si notre opinion de Dieu n'est pas vraie, on peut être certain que la vérité concernant Dieu est quelque chose de mieux. Donc, à la fin du film, C.S. Lewis, il faut comprendre le contexte. C.S. Lewis, là, il était vieux garçon. Il avait 54 ans quand il a rencontré Joy. C'était une Américaine avec qui était plus jeune que lui, une bonne quinzaine d'années. Elle correspondait avec lui. Elle aussi, c'était une auteure, puis elle aimait beaucoup C.S. Lewis, puis elle avait un garçon. On avait deux, mais dans le film, il y en a juste un. Puis elle aimait beaucoup Narnia, tu sais, puis ça. Puis elle correspondait avec lui. Puis maintenant, elle est venue en Angleterre parce que son mari voulait divorcer, puis elle ne voulait pas vraiment. Fait qu'elle a fui ça un peu, puis elle a voulu rencontrer C.S. Lewis. Fait qu'ils se sont rencontrés, puis ils sont devenus amis. Puis elle, c'était lui, tu sais, vieux garçon. Il vivait avec son vieux frère. Il y avait une servante dans la maison, une maison de campagne. C'était un professeur à Oxford, anglais, très réservé, là, très intellectuel, puis tout ça. Puis elle arrive, américaine. Elle avait été juive. Elle était née dans une famille juive. Elle s'était convertie au christianisme. Elle était un peu communiste, un peu. Puis elle était très expressive en anglais, loud, là, tu sais, elle prenait de la place, là, tu sais. Puis... Elle a fini par divorcer, elle retourne en Angleterre, puis elle a demandé à Louis s'il accepterait de l'épouser pour qu'elle garde sa citoyenneté anglaise, pour qu'elle ait sa citoyenneté anglaise. Puis il a accepté, c'est un mariage technique. Mais je me souviens quand j'avais vu le film au cinéma en 93-94, ça m'avait quasiment choquée. On change, hein? Puis même, tout de suite après le mariage, ils n'ont même pas échangé d'anneau. Tout de suite après le mariage, elle s'est retrouvée avec son beau-frère, allait prendre un verre, parce que lui, il fallait qu'elle prenne le train, son nouveau mari, il fallait qu'elle prenne le train à midi 22, là, tu sais. Puis finalement, il se rend compte à quel point il l'aime, tu sais. Il s'est beaucoup attaché à elle. Puis à un moment donné, la femme est morte assez jeune, 45 ans. Ils ont su qu'elle avait le cancer des os. Très douloureux, un cancer extrêmement avancé. Puis dans le film, à un moment donné, il dit la souffrance qu'un être vit est insupportable pour les gens qui aiment cette personne. Donc, il parlait de lui-même, dans le fond. Puis là, on voit les changements qui commencent à... Donc, pour lui, c'était insupportable de voir cette femme-là souffrir en qui il avait pas encore, il n'avait pas encore déclaré son amour. Mais pour lui, c'était insupportable, puis il se disait, mais ça doit être la même chose pour Dieu. Donc, Dieu n'est pas indifférent à notre souffrance. Il est là pour nous aider. Mais je suis de moins en moins certaine qu'il orchestre, qu'il nous envoie des souffrances. Fait que finalement, pour vous dire la fin du film, ils se sont mariés à l'hôpital, sur son lit d'hôpital à elle. Puis il a déclaré son amour, puis elle aussi, puis... elle a fini par mourir puis adopter ses deux petits garçons. C'est très touchant comme film. Je vais essayer de l'avoir en français à un moment donné. Fait que vous voyez, même C.S. Lewis, sa pensée a progressé. Fait que c'était de ça que je voulais vous parler. Je ne sais pas si... c'est ça. Je partage. Fait que là, j'ai lu ce livre-là. Je vais en lire deux autres, probablement, de Lita Bassett. J'ai trouvé ça, celui-là, ardu. Lita Bassett, là, je m'attends à... encore mieux, en fait, de ardu, mieux dans le sens de pire. Hein. Puis, s'il y a lieu, bien, je vous ferai un autre partage là-dessus. Fait que c'était ça, je pense. Vous encourager à ne plus voir Dieu comme... oui, l'auteur de la souffrance, puis qu'on a un libre arbitre, puis qu'on est responsable de plein d'affaires. Ah, c'est ça, j'avais dit, Denise était là, puis j'avais dit à Jean que, parce qu'il... Ah, le gars qui nous disait, celui qui n'était pas là, il y a un monsieur qui est venu, puis il écoutait les chants à un moment donné, quand c'est Sommet qui faisait les chants. Puis Jacques lui a demandé, qu'est-ce que tu penses à la pause? Puis le monsieur, il a dit, je trouve que vous avez une tendance à vous déresponsabiliser. Vous déresponsabiliser, tu sais, comme si on rejetait tout sur Dieu. Là, j'avais dit à Jacques, moi, je vais déresponsabiliser Dieu, tu sais. Fait que c'est un peu ça que je voulais faire. OK? Merci, Daniel. Bienvenue.